c'est les mots en des bras. C'est la moins envie, moi. Si on te sent, mon Dieu, présence ou nécessaire. Et où la moins qu'à rêver, aïe, personne pas qu'à compter. En des bras, c'est la moins michale. En des bras. C'est ça moi qu'a songé. Laissez-moi fermer. Ou pas bon moi bon chance. Mais y'a l'amour pas cause. Car moi foutez-vous. Oh oui moi foutez-vous.